Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, l'histoire de Natacha Campouche. Le 23 août 2006, dans les environs de Vienne, capitale de l'Autriche, une jeune fille parvient à se libérer des griffes d'un homme qui la retenait captive depuis 8 ans et 5 mois, soit 3096 jours. De divers, ce fait n'a que le nom, tant il est exceptionnel. Le temps de la captivité d'abord, près d'une décennie. L'âge de la jeune fille, ensuite retenu de 10 à 18 ans, une période charnière, celle de l'adolescence. Ajoutons l'enquête, ses erreurs et ses zones d'ombre, et puis surtout le fait que Natacha Campouche survive à cette épreuve et puisse en témoigner. Pour toutes ces raisons, ce drame nous plonge au cœur de la psychologie humaine, de sa complexité, des frontières qu'elle dessine ou abolit entre le bien et le mal, entre la captive et son ravisseur, entre l'innocence d'une enfant et la folie d'un homme. Alors, que s'est-il passé pendant ces 8 années? Comment Natacha Campouche a-t-elle pu tenir tout ce temps? Et qui est son ravisseur? Au cours de ce récit, nous entendrons des lectures extraites du livre de Natacha Campouche, dans lequel elle raconte sa captivité. Un témoignage unique de cette terrifiante épreuve qu'elle a écrit quelques années après sa libération. En seconde partie d'émission, nous recevrons Morin Picard, journaliste correspondant pour le journal Le Figaro à Vienne au moment où a éclaté cette affaire. Avec lui, nous reviendrons sur l'après-libération et sur l'impact qu'a eu l'affaire Campouche au cœur de la société autrichienne. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Simon Mésonome avec l'appui des documentalistes de Radio France, attaché de production Emmanuel Fournier et Fanny Cohen-Moreau, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, lecture Lucie Digou, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Mehdi Fatah. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Mars 1998, Donaustadt, au nord de Vienne, en Autriche. Une zone typique des grandes banlieues en périphérie des capitales européennes, sorte de cité dortoir qui hésite entre ville et campagne, où se côtoient les expériences nouvelles et manquées des architectes de la décennie 70. Bâtiment 38, appartement 18. C'est là, au cœur de cette zone, dans la cité Rebenweg, que vit Brigitta Sirny et sa fille Natacha Campouche. Depuis quelque temps, Brigitta a du mal à joindre les deux bouts après la faillite de son épicerie. Elle travaille souvent tard et Natacha se retrouve parfois seule à la maison. La jeune fille de 10 ans souffre des blessures communes aux enfants de parents divorcés. Brigitta et le père de Natacha, Ludwig Koch, sont séparés depuis 5 ans. Natacha a vécu aux premières loges le temps du désamour et des cris, celui de la séparation et de ses reproches que l'on fait devant l'enfant parce qu'on n'a plus le courage de les exprimer face à l'ex-conjoint. Ce 2 mars 1998, Natacha est réveillée par sa mère aux alentours de 7 heures. La jeune fille doit aller plus tôt à l'école aujourd'hui parce qu'elle a un cours de soutien en allemand. Depuis la veille, l'ambiance est tendue avec sa mère. Brigitta est énervée encore une fois. Ludwig, le père de Natacha, l'a ramenée trop tard du week-end. Une habitude récurrente qui a le don d'agacer Brigitta. Alors elle passe sa colère sur sa fille. Au moment de se lever ce matin-là, Natacha est encore marquée par la brouille de la veille qu'elle estime injuste. Mais cela reste tout de même une journée ordinaire, alors elle s'habille, fait son cartable, prend son petit déjeuner et s'en va sur le chemin de l'école sans adresser un mot à sa mère. Oui, car depuis quelque temps, elle a enfin gagné le droit d'aller à l'école toute seule. L'établissement n'est qu'à une dizaine de minutes. Natacha a insisté et elle a obtenu gain de cause. Il en va de ces petites victoires de l'enfance sur la route de l'adolescence. Blottie dans son gros anorak rouge, Natacha avance péniblement dans le froid et la neige de l'hiver viennois. Elle est bientôt arrivée, il reste environ 500 mètres. Quand devant elle, elle aperçoit un homme à côté d'une camionnette blanche. Sans trop savoir pourquoi, elle ressent un léger malaise. Alors, elle ralentit un peu, hésite un temps à changer de trottoir, puis décide finalement de continuer tout droit. Le reste, c'est le destin qui s'en charge. C'est quelques secondes qui font que tout bascule, que la vie de Natacha ne sera plus jamais la même. D'un seul coup, en effet, l'homme la grippe par la taille, la jette à l'arrière de la camionnette, referme la porte et démarre à toute vitesse. Il lui ordonne de se taire et de faire ce qu'il dit. La voiture s'arrête une première fois. « Je te livre, ensuite je n'ai plus rien à voir avec toi, on ne se reverra plus jamais. » Et il répète cette phrase à la jeune fille plusieurs fois. Mais personne ne vient. Alors, il redémarre. Nouvel arrêt, l'homme descend et revient avec une couverture. Il enroule la jeune fille dedans. Plongé dans le noir, le calvaire de Natacha commence. Il me souleva. J'eus l'impression qu'une éternité s'écoulait avant qu'il ne me repose. Puis j'entendis ses pas s'éloigner. Je retins mon souffle et tendis l'oreille. Rien. On ne percevait pas le moindre bruit. Il me fallut malgré tout un certain temps avant d'oser m'extraire de la couverture. Il faisait totalement noir. Je sentais sous moi le sol froid et nu. Je me laissai rouler dessus et gémis doucement. Ma voix paraissait tellement bizarre dans ce silence que je me fis peur et me tus. J'ignore aujourd'hui combien de temps je restais ainsi allongée. En réalité, je perdis très rapidement toute notion du temps. L'obscurité, l'odeur écœurante, tout cela se déposa sur moi comme un drap noir. Il est 5h10, 2 mars 1998, quand Brigitte Sirny arrive à l'appartement après sa journée de travail. Elle constate évidemment que Natacha n'est toujours pas rentrée de l'école. Inquiète, elle appelle son gendre, dont les enfants fréquentent le même établissement. Oui, il est bien passé chercher ses enfants, mais il n'a pas vu Natacha. Pas de trace non plus au jardin d'enfants où elle doit aller lorsque sa mère rentre plus tard. Brigitte appelle alors les camarades de sa fille. Et la réponse lui glace le sang. Natacha n'était pas à l'école aujourd'hui. Elle se rend immédiatement au commissariat pour signaler la disparition de sa fille. La police envisage d'abord une fugue. Bon, 10 ans, c'est plutôt jeune, mais la situation familiale compliquée de Natacha, la dispute de la veille avec sa mère, pourrait avoir joué un rôle. On pense qu'elle a pu rejoindre son père. Joint vers 20h sur son portable, Ludwig Koch, le père, assure qu'elle n'est pas à ses côtés. Il réalise à son tour que sa fille a disparu. Au bout de 48 heures, l'enquête débute vraiment. Elle est confiée au SB, sorte de FBI local en charge de des affaires les plus graves. Les enquêteurs ont tous en tête le viol et le meurtre de 3 jeunes filles dans la région quelque temps auparavant. Une affaire qui, à l'époque, n'avait pas été élucidée. Le meurtrier qui court toujours, aurait-il récidivé? Un signalement est établi. On lance un appel à témoins. On arpente les rues de Dallenstadt, le quartier de Natacha. On interroge les habitants. On passe et repasse sur le chemin de l'école à la recherche d'un indice. On interroge la famille et les amis de la jeune fille. Rien. Pendant ce temps, pour Natacha Campouche, la peur et l'horreur continuent. Lorsque l'homme revint, il apporta une ampoule qu'il vissa sur une douille, contre la paroi. La lumière crue qui se répandit subitement m'aveugla et ne m'apaisa pas du tout, car je voyais désormais l'endroit où je me trouvais. C'était une petite pièce vide et lambrissée. Dans un coin se trouvaient des toilettes sans couvercle. Contre une paroi, un double lavabo en inox. L'homme m'ordonna de me lever, de me placer à une certaine distance de lui et de ne pas bouger. Il me parlait de la voix douce et apaisante que les gens réservent généralement à leur animal domestique. « Je ne devais pas avoir peur, me dit-il. Tout irait bien, pourvu que je respecte ses consignes. » En prononçant ces mots, il me regardait comme un fier propriétaire contemple son nouveau chat. Ou pire encore, comme un enfant regarde son nouveau jouet. En s'en réjouissant à l'avance, mais en se demandant tout de même un peu ce qu'il va pouvoir en faire. Dès le lendemain de la disparition de Natacha, une fille de 12 ans, qui fréquente la même école qu'elle, raconte à sa mère qu'elle a vu un homme pousser sa camarade dans une camionnette blanche. Elle ajoute que le ravisseur n'était pas seul. La mère prévient alors la police qui lance un avis de recherche pour ce type de véhicule. On en recense 700. Méticuleusement, les policiers localisent l'ensemble des propriétaires et dressent une liste de suspects potentiels. 2 semaines après l'enlèvement de Natacha Campouche, une équipe de police se rend au 60 Heinestrasse, à Strasse von der Lorbahn, une ville moyenne et pavillonnaire située à moins de 20 km de l'appartement où vivait Natacha Campouche. Wolfgang Priklopil, l'homme qui occupe cette maison, est interrogé comme tous les propriétaires de camionnettes blanches recensés sur la liste. 35 ans, cheveux bruns, mi-longs, visage fin, Wolfgang Priklopil ne présente pas de signes particuliers. Les policiers lui demandent ce qu'il faisait le matin du 2 mars, jour de la disparition de Natacha. Calme et aimable, l'homme répond qu'il était seul chez lui. Les policiers se dirigent ensuite vers la camionnette. Ils y trouvent des gravats, des outils, rien d'autre. Ils prennent quelques photos et repartent. C'est pourtant là, sous leurs pieds, au 60 Rheinstrasse, à quelques kilomètres seulement de l'appartement de sa mère, que Natacha Campouche est retenue prisonnière de ce Wolfgang Priklopil. Depuis mon enlèvement, j'avais demandé chaque jour à Priklopil la date et l'heure, afin de ne pas perdre tout point de repère. Pour moi, il n'y avait ni jour ni nuit. Et bien que le printemps ait commencé à l'extérieur, un froid glacial régnait encore dans mon cachot dès que je coupais le chauffage. Un matin, il me répondit « lundi 23 mars ». Voilà 3 semaines que je n'avais pas eu le moindre contact avec le monde extérieur. Et 2 jours plus tard, ma mère aurait 1 an de plus. La date avait pour moi une grande portée symbolique. Si je devais la laisser passer sans souhaiter un bon anniversaire à ma mère, la captivité aurait quitté son statut de cauchemar provisoire pour celui de réalité indéniable. Oui, il y a 700 propriétaires de camionnettes blanches. Non, Wolfgang Priklopil n'a pas un comportement suspect. Non, il n'a pas de casier judiciaire. Mais alors, pourquoi ne pas avoir vérifié son alibi? Pourquoi ne pas avoir interrogé le voisinage? Enfin, et surtout, comment a-t-on pu laisser passer cette déposition anonyme par téléphone datée du 14 avril 1998, soit 1 mois après la visite chez Priklopil, qui parle de cet homme au 60 Rheinstrasse Strasshof, qualifié d'original, vivant dans une maison entièrement placée sous protection électronique et qui aurait, en ce qui concerne sa sexualité, un penchant pour les enfants. 1 mois et demi après la disparition de Natacha Campouche, cet oubli des enquêteurs se comptera en années, celle de la captivité d'une jeune fille. Tentons d'imaginer l'inconcevable. Pendant les 6 premiers mois, Natacha Campouche ne sort pas de sa prison. Une pièce de 4 mètres sur 2, enfouie sous terre, sans air ni lumière naturelle et dans un silence absolu. Imaginons la peur de cette enfant de 10 ans, captive d'un homme qu'elle ne connaît pas. La faim, le froid, chaque jour, Wolfgang Priklopil descend la retrouver. Il lui donne de quoi se nourrir. Dans un premier temps, le ravisseur use de stratégies pour prendre le contrôle de l'enfant. Il lui fait d'abord croire qu'il va la livrer à un réseau de pédophiles, d'où la mise en scène le jour de son enlèvement, puis il lui dit que sa famille a refusé la rançon proposée, qu'elle a abandonné les recherches. Natacha, elle, dans ses premières semaines, ne craint qu'une chose, qu'il ne revienne pas et qu'elle se trouve bloquée là, comme enterrée vivante, dans cet endroit. Elle réalise aussi rapidement une terrible évidence. Il ne veut pas la tuer, certes, mais il ne compte pas la rendre non plus, non. Il compte bien la garder dans ce cachot souterrain. Elle comprend qu'un système de récompense se met en place. Plus elle respecte ses ordres, plus elle peut gagner en liberté et en confort. Wolfgang Priklopil lui apporte d'abord des livres, puis une télé et un ordinateur, enfin une radio. Le soir, il lui lit des histoires, regarde la télé, joue aux jeux vidéo avec elle. Une relation mêlée de terreur et de proximité s'installe alors entre le ravisseur et sa jeune captive. Au bout de quelques mois dans mon cachot, je lui demandais pour la première fois de me prendre dans ses bras. J'avais besoin d'un contact pour me consoler, de la sensation de la chaleur humaine. Ce fut difficile. Il avait de gros problèmes avec la proximité. Moi-même, je sombrais immédiatement dans une panique mêlée de claustrophobie lorsqu'il me tenait trop fermement. Mais après quelques tentatives, nous parvînmes à trouver un modus vivendi. Nous ne tenions ni trop près, ni trop étroitement, ce qui me permettait de supporter l'enlacement, mais tout de même suffisamment proche pour que je puisse m'imaginer que cette relation était faite d'amour et d'attention. Ce fut le premier contact physique que j'eus avec un être humain depuis de nombreux mois. Les mois filent, Natacha perd toute notion d'espace et de temps et s'affaiblit à vue d'œil, psychologiquement, physiquement. Wolfgang Priklopil s'en rend compte et décide de la sortir du sous-sol pour la première fois, 6 mois après son enlèvement. À mesure qu'elle avance dans le couloir escarpé sous le contrôle attentif de son ravisseur, la jeune fille découvre l'endroit où elle est enfermée depuis tout ce temps. Elle passe d'abord l'énorme porte en béton, puis la deuxième qu'on ne peut ouvrir que de l'extérieur. Elle monte plusieurs marches et passe la trappe cachée derrière le placard, dans le garage. Au soulagement de sentir enfin la lumière du jour et l'espace s'agrandir, se mêle la terreur de comprendre qu'elle ne pourra jamais s'échapper et que personne ne pourra la retrouver ici. À partir de ce moment, Natacha entre dans une nouvelle période de sa captivité. Elle peut désormais monter dans la maison et sortir du sous-sol, toujours, bien sûr, sous le regard de Priclopule. Sa prison s'améliore. Son ravisseur pose du papier peint, installe une mezzanine et un matelas qui remplace la chaise longue sur laquelle elle dormait jusque-là. Signe aussi que le temps s'allonge et qu'inexorablement la vie de captive de Natacha s'installe. En même temps que ses faveurs accordées, l'attitude de Priclopule change. Il se fait de plus en plus violent. Je sentais à l'époque que le ravisseur ne pouvait me briser par la violence physique. Lorsqu'il me traînait dans les escaliers pour rejoindre mon cachot, que ma tête cognait contre chacune des marches et que mes côtes en étaient couvertes de contusions, ce n'était pas moi qu'il jetait à terre dans le noir. Lorsqu'il me pressait contre le mur et m'étranglait jusqu'à ce que je voie tout noir, ce n'était pas moi qui suffoquais. J'étais très loin, dans un endroit où ces terribles coups de pied et de poing ne pouvaient m'atteindre. Et c'est ainsi que Natacha arrive à tenir, tout enfouir, puisqu'elle ne peut s'enfuir. Elle comprend que la seule manière de tenir, c'est de construire cette relation avec son ravisseur. De l'aimer, oui, d'une certaine manière, malgré les coups, malgré la folie. Car Priclopule, lui, continue son terrible projet, soumettre sa victime, la contrôler physiquement et psychologiquement. Chaque jour, il lui martèle qu'il l'a sauvée de ses parents, qu'il ne veut plus d'elle, qu'il l'a créée, comme il dit. Alors, après la torture psychologique, il passe à la torture physique. Natacha est privée de nourriture, elle perd de plus en plus de poids. S'il fait ça, c'est pour l'épuiser et l'empêcher de s'enfuir. Idem pour les habits, elle est souvent à demi-nue dans la maison. Obsédé par les traces qu'elle peut laisser chez lui, il finit par lui raser la tête. Enfin, il lui fait faire tous les jours le ménage et se sert d'elle pour des travaux dans la maison. Wolfgang, maniaque et pervers, se fait tour à tour maître, père, frère, professeur, ami, amant. Il va jusqu'à lui voler sa propre identité. Au bout d'un an, en effet, il lui demande de choisir un autre prénom. Elle s'appellera désormais Bibiane. Au bout d'un an aussi, il lui donne un miroir. Natacha se regarde pour la première fois depuis tout ce temps. Elle ne se reconnaît pas. Au fil du temps, l'enfant de 10 ans grandit, change. Cette période charnière de l'adolescence, Natacha Campouche l'a vite enfermée sous le contrôle de son geôlier. Wolfgang Priclopule est la seule personne qu'elle côtoie pendant toutes ces années. C'est à ses côtés que viennent les premières menstruations, c'est à ses côtés que son corps se transforme, c'est à ses côtés qu'elle fait son éducation. Entre les deux personnes se construit alors une relation singulière, anormale, c'est le moins qu'on puisse dire, proche aussi, constituée de haine et de proximité. Comment peut-il en être autrement? Dans son calvaire, inévitablement, Natacha pense à la mort. Assise sur mon lit, tout semblait soudain clair à mes yeux. Je savais déjà que je ne pouvais pas passer toute ma vie ainsi, et je venais de comprendre que je ne serais plus libérée. Quant à fuir, cela me paraissait impossible. Il ne restait qu'une issue, simplement disparaître, dans un lointain néant où il n'y a plus de douleur ni de sentiment. Je n'avais presque plus le pouvoir de disposer de ma vie, de mon corps, de mes gestes. Pouvoir m'ôter cette vie-là me paraissait être mon dernier atout. À 14 ans, j'avais plusieurs fois essayé en vain de m'étrangler avec mes vêtements. À 15 ans, je voulais m'ouvrir les veines. Je m'étais enfoncé dans le bras une grande aiguille à coudre jusqu'à n'en plus pouvoir. La brûlure était presque insupportable, mais elle apaisait en même temps la souffrance intérieure que je ressentais. On est parfois soulagé lorsque la douleur physique dépasse par instants les tortures de l'âme. Aucune des tentatives de suicide de Natacha Campouche ne réussira. En revanche, elles renforceront son désir de tenir et son envie de fuir. Il faudra attendre encore de longues années pour qu'elle y parvienne, années pendant lesquelles elle ne pourra compter que sur elle-même, car l'enquête, elle, n'avance toujours pas. 23 août 2006, 60 Heinestrasse, Strasshof, dans la banlieue de Vienne. En ce mardi midi d'été, on pourrait croire que tout est normal dans ce quartier pavillonnaire sans histoire. Pourtant, derrière les haies de la maison du 60 Heinestrasse, une jeune fille de 18 ans, à l'air frêle et au teint pâle, passe l'aspirateur de la voiture à l'intérieur de la propriété. À ses côtés, un homme téléphone et l'observe. À quoi pense Natacha Campouche en cette fin de matinée de 23 août 2006? Pense-t-elle à ces 8 années passées aux côtés de cet homme qui chaque jour, chaque heure, chaque minute depuis qu'il l'a enlevé ce matin d'hiver 98, l'épie, la contrôle, la bat? Pense-t-elle à cette enfance qui lui a volé? Quoi qu'il en soit, ce 23 août 2006, pour Natacha Campouche, il va se passer quelque chose, un événement considérable. Oui, ce jour-là, Natacha voit une brèche dans le terrible étau de son ravisseur. Gênée par le bruit de l'aspirateur, Wolfgang Trekloppil s'éloigne pour téléphoner. Alors d'un coup, Natacha lâche l'appareil et se met à courir à travers les jardins voisins. Elle court comme elle peut, avec les quelques forces que son corps affaibli lui permettent de supporter. Elle fuit sa vie captive sans se retourner. Elle s'arrête devant la maison d'une vieille femme qu'elle interpelle par la fenêtre ouverte de sa cuisine. Natacha est apeurée. Elle demande d'appeler la police au plus vite. Deux agents débarquent. Et là, elle leur explique qui elle est, ce qui lui est arrivé. Puis elle leur demande une couverture pour qu'elle puisse se couvrir et se protéger des journalistes et des photographes. De manière instinctive, elle appréhende déjà la pression médiatique. Et à juste titre, car rapidement, l'information fait le tour du monde. L'affaire de la disparition de la petite Natacha Campouche en mars 1998 avait fait grand bruit. La fillette, alors âgée de 10 ans, avait disparu sans laisser de traces sur le chemin de l'école. Le déploiement de moyens très importants pour la retrouver, même en Hongrie voisine, n'avait rien donné. Jusqu'à hier, lorsqu'une jeune femme de 18 ans, pâle, affirmant être Natacha, a été retrouvée, errant dans une bourgade près de Vienne. Identifiée par sa famille, il faudra attendre le résultat des tests ADN pour être sûr de son identité. Lorsqu'il se rend compte de la fuite de Natacha Campouche, le monde de Wolfgang Trekloppil s'écroule. Il monte à bord de sa voiture et s'enfuit. En quelques minutes, une gigantesque opération de police est mise sur pied pour le rattraper. Son signalement est diffusé. Lui fonce à travers les rues de la capitale. Puis il s'arrête dans le parking souterrain d'un centre commercial. Il saisit son téléphone et appelle un ami, un certain Ernst Holzapfel. Paniqué, il lui demande de venir le chercher en voiture. L'ami s'exécute. Wolfgang monte à bord du véhicule, les deux hommes prennent la route et se garent. Wolfgang lui explique alors qu'il était contrôlé en état d'ivresse et qu'il va perdre son permis. Son ami le calme. Les deux hommes finissent par se séparer. Wolfgang erre encore quelques heures à l'abri des regards et à 21h, il se rend à la gare du Nord de Vienne, s'allonge sur les rails et attend que le train passe. Comme il l'avait dit et répété à Natacha, si elle venait à le quitter, il se suiciderait. Ce 23 août 2006, Wolfgang a tenu sa promesse et emporte avec lui ses 8 années d'horreur. En quelques heures, Vienne devient le théâtre d'un emballement médiatique sans précédent. À l'annonce de l'évasion de Natacha et de la mort du ravisseur, les agences de presse du monde entier se ruent dans la capitale autrichienne. Pendant ce temps, Natacha est à l'abri au poste de police. En début de soirée, c'est d'abord son père, Ludwig Kor, qu'elle voit. Il entre dans la pièce. 8 ans et demi se sont écoulés. 8 ans d'attente, d'espoir déçu, de croyances incertaines. 8 ans de recherche, de doute, de deuil. Il s'observe en silence. En lieu et place de la petite fille qu'il a déposée au retour de son week-end, Ludwig découvre une jeune femme de 37 kilos, fragile, sans défense. Natacha se lève d'un bond et se jette au cou de son père. À l'extérieur, la tension et l'excitation montent, l'emballement médiatique se met en place. Les journalistes commencent à enquêter et à supputer. Ils sont d'abord autorisés à photographier la cave dans laquelle était enfermée Natacha. Et là, le public découvre avec effroi le calvaire de la jeune fille. Et puis des rumeurs circulent sur sa relation avec le ravisseur. Finalement, 5 jours après son évasion, la jeune fille prend la parole dans une lettre au Monde, comme elle l'intitule, et que vient lire l'un des psychiatres qui s'occupe d'elle. La vie quotidienne se déroulait de façon extrêmement réglée. En général, un petit déjeuner dans les règles de l'art. Souvent, il ne travaillait pas. Les travaux ménagers, lire, regarder la télévision, discuter, cuisiner. C'était comme ça toute l'année, le tout accompagné d'angoisse liée à la solitude. Il n'était pas mon maître. J'étais aussi forte que lui. Symboliquement, il m'a porté à bout de bras tout en me foulant aux pieds. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il était tombé sur la mauvaise personne. La lecture de cette lettre provoque un retentissement énorme. Le public est d'abord impressionné par la maturité, le niveau de langage et de réflexion de la jeune Autrichienne, restée pourtant éloignée du monde pendant si longtemps. On découvre aussi le détail de l'enfer, les coups, les violences physiques, morales. Mais aussi, l'un après l'autre, Natacha démontre les préjugés et les attentes du public. Au sujet de la mort de son ravisseur, par exemple, elle déclare « Il faisait partie de ma vie et par conséquent, je ressens une forme de deuil. » Concernant ses parents, elle explique qu'elle a décidé de limiter les contacts, pour le moment. Enfin, elle s'attaque aux médias qui, selon elle, relaient des informations et des interprétations erronées. Peut-être, mais comment expliquer la compassion de la jeune fille pour son ravisseur? Comment comprendre l'éloignement des parents? On commence à parler de syndrome de Stockholm, on s'interroge sur la question sexuelle, les rapports entre la jeune fille et Wolfgang, la nature réelle de leur relation. Experts et psychiatres se relaient sur les plateaux de télé pour comprendre le phénomène Campouch. De leur côté, médias et police refont l'enquête qu'ils ont ratée 8 ans auparavant. On apprend que la police avait interrogé Priklopil sans plus, alors que les témoignages se succédaient pour décrire un homme étrange et solitaire. On dresse le portrait du monstre, narcissique, pervers, paranoïaque. Un homme dépendant des plats de sa mère qu'elle lui apporte le week-end alors que Natacha, elle, est retranchée dans sa cave. Un homme qui n'a pas de travail, a encore moins d'amis. Enfin si, un d'ailleurs, c'est Ernst Holzapfel, dernier confident du ravisseur. Il ne savait rien, lui non plus. Il n'a rien remarqué d'étrange durant toutes ces années. Enfin, on apprend qu'à la fin de sa captivité, Natacha Campouch et Wolfgang Priklopil sortaient de la maison, oui, ensemble, au vu de tous, dans les magasins, et même une fois pour un séjour au ski. Alors le public s'interroge, pourquoi Natacha n'a-t-elle pas essayé de s'enfuir? Face aux allégations, aux rumeurs, aux analyses, Natacha Campouch décide de prendre les devants. Entourée de psychiatres, elle est aussi aidée par des avocats pour négocier les milliers d'interviews qu'ils lui ont demandées. Finalement, le 6 septembre, 2 semaines après son évasion, elle s'adresse simultanément à la télé et à la presse quotidienne pour raconter sa version de l'histoire. La jeune fille est là, face caméra, un petit bandeau bordeaux sur les cheveux, devant 2,5 millions de téléspectateurs autrichiens. Et cette fois, c'est la voix de Natacha qu'on entend, enfin, après 8 années de silence forcé. C'était terrible. Et j'ai eu des accès de claustrophobie dans cette pièce minuscule. J'ai tapé contre les murs avec des bouteilles de minéral et avec mes poings. Je sais pas, moi, que quelqu'un m'entende peut-être. C'était horrible. S'il ne m'avait pas fait monter dans la maison à un moment donné pour que je puisse bouger un peu plus, je crois que je serais devenue folle. Pour Natacha Campouch, un autre combat commence, celui du retour à la vie. Les réactions négatives à son encontre ne s'arrêteront pas après cette interview. Elles se feront même plus violentes. Elle a beau expliquer qu'elle n'a pas pu s'enfuir parce qu'il la savait près, qu'elle avait peur et qu'elle était trop faible physiquement. Mais rien n'y fait. Certains dénoncent sa starification, l'accusent de se servir de sa situation. On ne comprend pas sa compassion pour son ravisseur et encore moins pourquoi elle a accepté de récupérer la maison de son tortionnaire en dédommagement. Il lui faudra du temps, 4 ans, pour qu'elle écrive son récit, son histoire, celle d'une jeunesse volée sans raison si ce n'est celle de la folie d'un homme. L'histoire de Natacha Campouch, par son caractère exceptionnel et terrifiant, souligne une fois encore les limites, les difficultés à saisir cette tension entre raison et déraison, entre folie et humanité. Le dernier mot revient sans doute à Natacha Campouch elle-même, qui, au détour d'une question, résumera le caractère édifiant de l'épreuve vécue. Lorsqu'un jour, une journaliste lui demande comment elle se définirait aujourd'hui, elle répond simplement par un mot qui les vaut tous, survivante. Sit me down, sit me down, sit me down, sit me down, sit me down, sit me down, sit me down, sit me down, fix a drink, fix a drink, fix a drink, fix a drink, fix a drink, fix a drink, fix a drink, fix a drink, make me think, make me think, make me think, make me think, make me think, make me think, make me think, make me think, make me think, make me think, make me think, make me think, make me think, make me think, make me think, make me think, make me think, Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'affaire Natacha Campouche avec notre invité Morin Picard. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes journaliste, correspondant pour le journal Le Figaro à Vienne au moment où a éclaté cette affaire. Donc, vous l'avez suivi quotidiennement. J'imagine que pour un journaliste, c'est un fait marquant. D'abord parce qu'il est récurrent et puis la nature de l'histoire. Quels sont les souvenirs qui vous reviennent en premier, les images fortes de cette période que vous avez vécue, vous, en tant que journaliste, donc tout près de l'affaire? C'est sans doute la stupéfaction de la part de toute la population autrichienne qui avait pris l'habitude de cette petite fille disparue, puisque tout un pays l'avait cherchée. Et évidemment, malgré toutes les affiches placardées sur tous les murs de tout le pays, toute cette gigantesque chasse à l'homme, Natacha n'avait jamais reparu. On l'a considérée disparue pour toujours, volatilisée. Et subitement, la revoilà, bien vivante, en chair et en os. On s'étonne un petit peu. C'est la fin des vacances en Autriche. C'est pas encore la rentrée scolaire. On est en août 2006. Et puis, la voilà. Alors, c'est la stupéfaction. Les gens refusent d'y croire. Elle est vivante. Pourquoi? Comment? Qui l'a enlevée? Et comment se fait-il qu'on n'ait jamais retrouvé pendant toutes ces années? Est-ce que ça veut dire que le soulagement, ne serait-ce qu'humain, de voir que cette jeune fille s'en est sortie, est passé après des questions, des suspicions? Ça veut dire ça? Est-ce que vous aviez ce sentiment-là qu'en Autriche, on s'est posé des questions avant d'exprimer un soulagement? Il y a d'abord l'admiration du courage extraordinaire de cette jeune fille de 18 ans qui a réussi à s'extraire des griffes de son ravisseur. Après tant d'années, on l'imagine en mauvais état physique. On essaye de se représenter sa fuite éperdue, ce sprint dans un quartier tranquille, résidentiel du nord-est de Vienne. Donc c'est l'admiration d'abord. Et puis ensuite, on veut savoir à quoi elle ressemble, puisque pendant 15 jours, on n'a aucune image d'elle. C'est vrai. Donc les médias frappent à la porte, des psychologues, des policiers, tout le monde veut la voir, on l'a dit, dans un hôpital. Ensuite, les questions commencent à apparaître. Pourquoi ne l'a-t-on jamais retrouvée? Quels ont été les couacs de l'enquête? Et puis bien sûr, que s'est-il passé exactement entre elle et son ravisseur? Alors ça, on y reviendra sur l'aspect et la dimension psychologique de cette histoire. On va parler de l'enquête d'abord. Alors, je rappelle à nos auditeurs, ce qui n'est pas un détail, mais un indice donné au tout début du récit. Donc ça fait presque 40 minutes, alors je le répète. Lorsque Priklopil séquestre la jeune Natacha, il lui dit, ses premiers mots, je te livre, vous entendez bien, je te livre. Ensuite, je n'ai plus rien à voir avec toi, on ne se reverra jamais. Donc trois phrases qui sont des indices importants qu'il faut rapprocher avec cet autre indice, le témoignage de la petite fille, l'une de ses copines qui a vu suivre la camionnette, et elle dit, elle, qu'il y a deux personnes. Voilà deux indices qui pourraient nous faire penser que c'est pas un acte esselé mais que peut-être il a travaillé pour un réseau. Alors, un réseau de quoi, je ne sais pas, ou de pédophilie, ou je ne sais pas. Mais dans un réseau organisé, et que ce n'était pas un acte solitaire, qu'en pensez-vous ? Eh bien, depuis le début, en remontant aux origines de cette enquête en 1998, quand les policiers avaient été incapables de retrouver la trace de Natacha, il y avait cette invraisemblance originelle, fondatrice. Comment était-il possible qu'un homme seul ait pu se tapir dans une rue un matin sur le chemin de l'école, attraper au vol cette jeune fille, la jeter à l'arrière d'un fourgon, puis démarrer, voilà, en faisant tout cela seul? Ensuite, il y a ce témoignage qui a été négligé par la police d'une jeune fille qui semble dire une évidence. Impossible, ou presque, de mener un tel enlèvement tout seul. Et cette jeune fille dit non, il y avait une deuxième personne qui était au volant. Et ce priclopile, c'est celui qui a jeté Natacha dans le fourgon à l'arrière. Alors, il est possible qu'un jour, il y ait en Autriche ce qu'on appelle en France un supplément d'enquête. Hein, un témoignage qui pourrait accréditer la thèse un peu moins simple de l'acte isolé. Est-ce qu'il y a eu depuis sa libération en 2006, donc depuis 10 ans, est-ce qu'il y a eu des témoignages, des éléments nouveaux? On en est où? De gros doutes ont surgi assez rapidement sur ce meilleur ami de Wolfgang Priclopil, Ernst Halsapfel, qui a d'abord dit n'avoir absolument rien à voir avec cela, n'avoir jamais entendu parler de Natacha Kampusch et avoir tout découvert, le poteau rose, sur une confidence de Wolfgang Priclopil quelques heures avant le suicide de ce dernier, et qu'il n'avait jamais vu, malgré toutes ses visites, toutes ses années à la demeure de son ami à Strasshof, la moindre présence d'une jeune fille. Tout cela n'a aucun sens, puisque Natacha est là, elle voit souvent Ernst Halsapfel, et ce qui surprend le plus, c'est que la police semble se désintéresser de Ernst Halsapfel, un autre quadragénaire sans histoire, voilà, comme on en trouve tant, et qui est gris, qui n'a rien de spécial. Il y a un policier qui va mener une enquête, il s'appelle Franz Kröll, oui, et qui commence très rapidement à avoir de gros doutes, parce que, à nouveau, à partir de 2006, l'enquête est rapidement classée. Priclopil a agi seul, comme il avait prévenu Natacha, si jamais un jour elle s'enfuyait, il se suiciderait. Il a mis fin à ses jours sur cette voie ferrée à côté du Prater à Vienne. Et ce Franz Kröll commence à creuser et il considère qu'il y a un certain nombre d'invraisemblances. Et on le retrouve mort sur le balcon de son appartement en 2010, 4 ans après, une balle dans la tête. Et la police conclut un suicide. Et son frère, je crois, est magistrat. Et son frère, lui, va jusqu'à penser, alors sans donner dans l'imagination débordante, mais qu'il pourrait s'agir d'un réseau, assez large pour mêler la classe politique viennoise, ce qui pourrait expliquer l'étouffement de l'affaire. Est-ce que ça tient, ou est-ce qu'on est là vraiment dans l'imagination un peu débordante ? L'imagination sans doute pas débordante, puisque l'Autriche, depuis l'après-guerre, est un pays des secrets, un pays où on reste sur son quant à soi, où on a pris l'habitude de se terrer, je ne parle pas de cave, hein, mais on a pris l'habitude de se terrer, de taire les choses qui se passent à l'intérieur des maisons. Le nazisme, bien sûr, a joué un rôle, l'occupation alliée soviétique dans cette partie de Vienne, jusqu'en 1955, a donné l'habitude aux gens de faire attention à ce qu'ils disent et à ce qu'ils font. Dans ces conditions, rien n'est finalement très surprenant. La collusion des élites, l'existence de certains réseaux souterrains de proxénétisme, de prostitution infantile, tout est possible. Et ce Franz Kröll a probablement déterré quelque chose de très sulfureux. Alors, par rapport à ce que vous dites, on va précisément écouter une archive qui s'y rapporte directement. Natacha Kampusch a aussi dénoncé les erreurs de la police, elle est quand même la victime de l'affaire, mais aussi elle a fait certaines déclarations sur son pays qui ne sont pas passées inaperçues. On va l'écouter, elle s'exprime en 2008. Natacha Kampusch parle d'une autre affaire, celle d'un certain Fritzl, qui avait séquestré sa fille pendant 24 ans. Je pense que cela peut avoir un lien avec le national-socialisme, avec les méthodes éducatives de l'époque et leurs conséquences. Les gens qui ont autrefois participé activement au national-socialisme ne sont sûrement pas devenus des parents exemplaires. D'abord parce que c'est la violence qui prédominait, ensuite parce que beaucoup de gens sont rentrés perturbés de la guerre. Ces parents ne sont pas ensuite devenus très pédagogues. J'imagine que Joseph Fritzl était dans les jeunesses hitlériennes. J'imagine qu'il a été humilié pendant son enfance et qu'il n'a pu s'en sortir qu'en compensant avec une forme de mégalomanie et un comportement dominateur. Ben voilà, ça valide ce que vous disiez, bravo. Enfin, vous avez passé combien de temps en Autriche en tant que correspondant ? 10 ans. Donc vous connaissez effectivement bien ce pays. Vous vouliez ajouter quelque chose à ce que vous venez d'entendre ? Natacha Kampusch a mis le doigt sur quelque chose d'extrêmement connu, que tous les Autrichiens reconnaissent volontiers. Plusieurs auteurs célèbres en ont parlé, Elfried Jelinek, Thomas Bernhardt, un peu plus proche de nous, Arnaud Geiger, qui parle de cette culture du silence. Comment redevenir une petite nation pacifique entre Est et Ouest quand on a été aux sources du nazisme? Comment cacher les cadavres sous le tapis? Comment ranger l'uniforme SS du grand-père dans un placard et prétendre être une société pacifiée? Alors les Autrichiens se nomment l'île des bienheureux, Insel der Selige. Voilà, c'est la quiétude, le calme, une nature extraordinaire, comme le savent tous les amoureux de l'Autriche. Il y a un terme aussi en allemand qu'on appelle le Gemütlichkeit. Le Gemütlichkeit, c'est la paisibilité, le bonheur simple. Et derrière ces apparences trompeuses, il y a la banalité du mal dont parlait Hannah Arendt. Il y a des gens comme Josef Fritzl ou comme Wolfgang Priklopil, qui, dans des quartiers résidentiels où on se salue, où on s'adresse des sourires d'un jardin à l'autre, quand on tond le gazon le samedi ou quand on fait un barbecue, eh bien voilà, des choses se passent dans ces maisons et c'est cela qui s'est passé. Et Natacha Kampusch l'a très bien résumé. C'est intéressant en tout cas. Et c'est le cas encore aujourd'hui, oui, j'imagine, puisqu'on parle d'une affaire qui remonte à 18 ans, hein. 10 ans depuis sa libération, 8 ans de captivité, ça fait presque 20 ans. C'est le même constat aujourd'hui l'Autriche? Il y a probablement un traumatisme. Le fait que ce que disaient des gens comme Jelinek ou Bernhard dans leurs livres, des livres et des pièces de théâtre au vitriol sur cette décrépitude morale de la société autrichienne, finalement s'est matérialisé avec l'affaire Kampusch, puis l'affaire Fritzl, qui a aussi défrayé la chronique depuis 2008. Voilà. Tout ça n'était pas que des emballements littéraires. Bien sûr. Voilà, ça se produit vraiment et il y a vraiment des affaires sinistres dans les caves. En tout cas, cette affaire nous montre que même si Bourdieu avait raison en disant attention, le fait divers fait diversion, le fait divers dit beaucoup de choses d'une société. Et là, on en a vraiment la preuve. On peut imaginer que cette affaire-là, dans un autre pays, se serait peut-être déroulée différemment. Peut-être, mais on va pas faire de la fiction. On va écouter une deuxième archive, une deuxième et dernière. Alors, le monsieur qui parle s'appelle Paul Bensussan. C'est un psychiatre spécialiste en affaires criminelles. Il est interrogé à la suite, justement, de l'interview que Natacha Kampusch avait donnée. Écoutez-le. Elle a choisi de s'exposer, de parler à visage découvert. C'est un choix médiatique, on le comprend, pour décourager les paparazzi notamment. Mais psychologiquement, est-ce que c'est un bon choix ? Ce qui m'a impressionné dans ce choix et dans la façon dont il a été orchestré, c'est le fait qu'après un lavage de cerveau quasiment certain et ayant duré 8 années, on observe un contre-lavage de cerveau fait par les coachs, les avocats, les conseillers en communication. C'est-à-dire que cette jeune femme qui a fait dès sa libération la mise en garde à tous les médias expliquant que ceux qui iraient trop loin dans l'impudence seraient poursuivis, j'aurais trouvé personnellement plus décent que son avocat s'exprime pour tenir ce propos et qu'on laisse la jeune femme tenir un discours plus spontané. Donc là, on a quand même effectivement une jeune femme qui repasse d'une emprise à une autre, même si bien sûr la seconde est incomparable. Et cette tarification, entre guillemets, pourrait avoir des séquelles plus tard aussi ? La réalité, pour faire une réponse honnête, c'est que personne n'en sait rien, le cas est unique. Il n'y a pas de précédent dans les annales de la victimologie. On a affaire à un véritable phénomène et d'où, en partie, le pouvoir de fascination qu'elle exerce. Et cette intelligence, et on va parler de l'emballement médiatique autour de cette affaire, Natacha se sert des médias, on le voit dans l'interview qu'elle donne, dans la lettre au Monde qu'elle a écrite, aussi 5 jours après sa libération. C'est comme si elle avait fait son éducation en regardant beaucoup de commentaires, de documentaires, en écoutant la radio, isolée, qu'elle avait une véritable connaissance de la machine médiatique, et ce n'est pas un hasard si la première chose qu'elle demande, vous vous souvenez, à ça, lorsqu'elle est libérée, c'est une couverture aux policiers pour pouvoir se protéger des photographes. Parlez-nous un peu de cette jeune fille, de cette intelligence si particulière, parce que liée à une histoire très particulière. Oui, c'est une anomalie de cette séquestration de 8 ans. Wolfgang Prikloppil lui a donné l'autorisation d'écouter la radio, et pas n'importe quelle radio, mais la radio classique autrichienne, qui alterne musique, grande musique, et information, voilà, exactement comme Radio France. Ce qui donne une jeune fille de 18 ans qui sort de sa cave en 2006 et qui parle comme un livre, dans un allemand extrêmement élaboré, même un petit peu maladroit, évidemment, puisque les tournures de phrases sont un peu trop pures, un peu trop parfaites. Et aussi, évidemment, une ouverture aux médias, une exposition. Voilà, c'est bien de son âge. C'est une adolescente ouverte sur le monde et extrêmement intelligente. Et la première chose qu'elle va faire, c'est, avec l'aide de ses, des avocats qui la soutiennent et des psychologues, c'est de préparer, bien évidemment, cette grande interview qui va avoir lieu 15 jours après sa libération. Puis, fait très surprenant, le feu vert pour animer elle-même son propre talk show dans une, sur une chaîne de télévision locale à Vienne. Et cette émission commence quelques mois plus tard, et ce sera une catastrophe. Bah oui. C'est compliqué de confier les rênes d'une émission à une jeune fille de 18 ou 19 ans. Et pour d'autres raisons, d'ailleurs, pas que pour des raisons techniques. C'est aussi l'exposition, donc ça a choqué. Sa première interview se passe à l'envers. L'interviewé devient intervieweur. Et c'est l'animatrice de talk show, Natacha Kampusch, qui se retrouve sur le grill de son premier intervieweur. Et il est décidé très rapidement de mettre fin à l'expérience, puisque de toute évidence, c'était un petit peu prématuré. Et quel était le comportement, vous, les journalistes, quel regard vous portiez sur elle ? Il y a évidemment l'admiration dont je parlais tout à l'heure, et puis l'inquiétude, la sourde inquiétude, se demander comment cette jeune fille extraordinaire en tout point va devoir se protéger par rapport à certaines omissions, ces choses dont on commence à parler, quels ont été ses rapports sexuels avec son ravisseur, voilà, fait ça, éminemment bien sûr douloureux. Et deuxièmement, comment va-t-elle réapprendre à vivre avec des parents qui ne sont peut-être pas forcément les parents les plus parfaits du monde, qui sont évidemment séparés, qui sont des gens, on va dire, hauts en couleur, et dont elle essaye de se dissocier assez rapidement, probablement sur le conseil des psychologues. Alors comment va-t-elle construire sa nouvelle vie ? On apprend assez rapidement qu'elle a pris un appartement dans Vienne, mais qu'elle s'y terre, puisqu'elle a beaucoup de mal avec la lumière du jour, elle est un peu agoraphobe, ce qui est assez compréhensible, et elle organise des visites auprès de ses parents, mais elle essaye de tenir tout ça à distance, encore une fois aidée par ses psychologues. Et puis bien évidemment, cette décision, a priori étonnante, mais finalement assez compréhensible, de récupérer la maison du ravisseur et même sa voiture. C'est incroyable. Alors, comment les psychiatres expliquent-ils cette décision ? Parce qu'elle nous échappe, nous, quand même. Hein, il faut être psychiatre pour comprendre. Oui, passé le premier choc, elle est très compréhensible. Il y a la crainte que des personnes nostalgiques essayent d'en faire une sorte de musée des horreurs. Voire pire. Oui, enfin, de là occuper la maison. Elle l'achète, elle l'occupe pas. Elle l'occupe que de passage. Elle y passe de temps en temps. Ouais. Mais elle se refuse à l'idée même que quelqu'un puisse exploiter cette histoire. Et ce sera une supposition qui va être confirmée par une autre affaire, l'affaire Fritzl, 2 ans plus tard, où Fritzl, en prison, va essayer de monnayer ses propres services en proposant de louer sa maison, cette autre maison des horreurs, dans un autre coin d'Autriche, avant que la police, évidemment, ne mette le holà à cette tentative déroutante. Alors, le père de Natacha a monnayé aussi des interviews, hein, et je crois que ça a cassé leur relation, c'est ça ? Tout à fait. Ludwig Kor, évidemment, essaie de tirer la couverture à lui. Je dis évidemment, mais ça n'a rien d'évident. C'est juste la rupture, l'incompréhension entre un père d'un côté qui s'entend déjà très mal avec sa femme, son ex-femme, et puis cette jeune fille qui avait 10 ans quand elle a disparu et qui réapparaît comme une jeune femme et qui voudrait comprendre et qui a probablement été heurtée pendant sa captivité, sur certains mots, certaines phrases que Prikloppil lui a confiées, comme quoi ses parents ne voulaient pas la retrouver, qu'il n'avait refusé, soi-disant, de payer une rançon. Ce sont des mensonges, mais on imagine l'impact de telles phrases dans l'esprit d'une adolescente de 12, 13 ou 14 ans. Aujourd'hui, il nous reste 20 secondes. Que fait Natacha Kampusch, qui doit donc avoir 28 ans et quelques mois, hein, c'est ça ? Qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui ? On le sait ? Elle a publié son livre il y a quelques années, 3096 jours. Elle a du mal à se faire à sa nouvelle vie. Elle continue à éprouver ses sentiments d'agoraphobie. Elle se détourne de la foule. Elle a essayé de reprendre ses études. Elle veut toujours monter cette fondation pour aider les enfants maltraités. Et on lui souhaite bien du courage. Merci, merci infiniment. Morin Picard, je rappelle, vous êtes journaliste et vous étiez correspondant pour le journal Le Figaro à Vienne quand l'affaire a éclaté. Merci, au revoir. Enfin. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire Natacha Campouche, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles.